Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, un été meurtrier. Alors qu'une chaleur étouffante s'abat sur l'ensemble de la France, en cet été 1976, la région grenobloise subit les assauts criminels d'une faction inconnue des Brigades Rouges, le groupe 666. Pendant 4 mois, de juillet à octobre, tous les services de police sont sur le pied de guerre. Objectif, retrouver au plus vite ceux qui organisent les enlèvements, la séquestration et l'assassinat de personnes prises au hasard dans un rayon de 30 km autour de la ville alpine. 4 longs mois d'une traque jalonnée de zones d'ombre. Et ce qui n'était qu'au début un simple fait divers va rapidement devenir une affaire nationale. Qui se cache derrière ce nom étrange, Brigade Rouge 666, et pourquoi ces enlèvements ? Toutes ces questions trouveront des éléments de réponse en octobre 1976 dans une collaboration inédite en France entre les médias et la police. Notre invitée aujourd'hui, la psychiatre, présidente de l'Association française de criminologie, Sophie Baron-Laforêt. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Il fait déjà chaud en cette nuit du 19 juin à Échirolles, banlieue de Grenoble. Micheline Leroy peine à trouver le sommeil. Alors que vers 1h du matin, elle s'endort, enfin, une pensée furtive la réveille en sursaut. Son mari, Christian, n'est pas rentré. Bon, il a l'habitude de traîner un peu au travail, Christian. Mais pas à ce point-là tout de même. Entre l'inquiétude, le doute et la chaleur, Micheline met un temps infini à se rendormir. Le lendemain matin, elle se réveille seule. Christian n'est toujours pas rentré. Et là, évidemment, c'est une autre histoire. Michel appelle alors, comme par réflexe, le bureau des voies ferrées du Dauphiné, l'entreprise qui l'embauche comme chauffeur de car, et elle apprend qu'il a dû remplacer au pied levé un collègue malade. Il aurait pu prévenir quand même. Mais ce n'est pas le reproche, ni la colère qui étreint Micheline, non, c'est l'inquiétude. Ouais, quelque chose cloche. Certes, son couple traverse une mauvaise passe, mais elle n'imagine pas que Christian l'ait pu l'abandonner, là, comme ça, sur un coup de tête. Elle et les enfants, qu'il adore. Et pourtant, au même moment, à 10 kilomètres de là, à Gières, Muriel Trabelsi, une jeune femme de 21 ans, elle aussi a disparu. Une éducatrice du foyer pour femmes, l'Oiseau Bleu, inquiète, raconte au commissaire. Elle loge chez nous depuis quelques mois. Hier soir, elle avait rendez-vous à 21h30 avec son nouveau petit ami Christian, je crois. Il est venu la chercher avec une coccinelle gris foncé métallisée. Jamais elle ne serait partie sans sa fille de 18 mois. Donc, la disparition simultanée de Christian Leroy et de Muriel Trabelsi ne peut pas être une coïncidence. Alors, quoi ? Fugue amoureuse ? Mauvaise rencontre ? L'enquête commence au matin du 20 juin 1976. Grenoble, une troublante affaire d'enlèvement met la police de la ville sur les dents depuis le 22 juin. Un prétendu commando des Brigades Rouges a annoncé qu'il avait enlevé, au hasard, dans la rue de Grenoblois, un homme de 24 ans et une jeune femme de 21 ans, tous deux de conditions modestes. Et il réclame une rançon de 300 millions de francs, une somme qui est une amende imposée au système capitaliste et qui doit être remise par différents organismes bancaires et industriels. Nous allons appeler tout de suite à Grenoble, Jean-Jacques Moria. Rien n'est acquis dans cette affaire qui retient l'attention depuis 10 jours maintenant. 10 jours de silence, 10 jours pendant lesquels les policiers ont tenté de démêler le vrai du faux, le possible de l'invraisemblable. 10 jours pendant lesquels la presse a tenu sa langue, mais maintenant nous essayons au grand jour de comprendre, alors que l'inquiétude devient très grande. Jeudi 1er juillet 1976, les Grenoblois se réveillent sous le choc. Depuis 10 jours... Le député-maire de Grenoble, la direction du Dauphiné libéré, le maire d'Échirolles et différentes banques grenobloises reçoivent des lettres de menaces. Toutes signées des Brigades Rouges, groupe 666. Micheline, la femme de Christian, reçoit elle aussi une lettre de demande de rançon. Au début, les policiers pensent à un canular. Deux personnes qui semblent se fréquenter et qui disparaissent au même moment, ça ressemble plus à une escapade amoureuse qu'à un enlèvement crapuleux, mais tout de même. Plusieurs signes intriguent. La signature d'abord. Brigade Rouge, groupe 666. Brigade Rouge, le fameux groupuscule d'extrême-gauche italien. Et puis, ce chiffre, 666, le chiffre de la bête dans l'Apocalypse. Il y a aussi le vocabulaire et une logorée qui renvoie aux factions d'extrême-gauche, chiens de capitalistes, nous avons enlevé au hasard deux de nos semblables qui sont vos esclaves. Et puis les revendications, la gratuité des transports en commun et la distribution gratuite de nourriture pour les plus démunis. Bon, même si ce groupe 666 est inconnu des services de renseignement spécialisés dans le terrorisme, même si les Brigades Rouges elles-mêmes affirment par voie de presse ne rien avoir à faire avec ces enlèvements, et même si les enquêteurs penchent plus volontiers vers la thèse de la fugue du couple, la menace est prise au sérieux. Et c'est le maire des Chirolles, Georges Kioulou, que les ravisseurs choisissent comme messager. Au travers de cette lettre, c'est moi qui suis désigné de porter cet engin, et si je ne le portais pas, et si ça échouait, on me dit dans cette lettre, à un moment donné, je vais vous citer la phrase, l'argent devra être mis dans un sac de sport bleu, et ce sera vous-même, monsieur Kioulou, qui devrez nous l'apporter, et surtout pas de papier journaux, ce serait votre arrêt de mort, car nous vous connaissons. Nous espérons que vous tenez à votre peau, vous aussi. Une troisième menace de mort, qui, elle, dépend de mardi dernier, alors avec une nouvelle demande de la Brigade Rouge, 40 millions de nouveaux francs, menaçant, bien sûr, d'exécuter les deux otages. Je suis à nouveau menacé de mort avec une phrase qui est celle-ci. Aucune communication ni filature avec les flics. Nous nous en apercevrions aussitôt, et ce serait la mort des otages et peut-être même la vôtre. Depuis 10 jours, c'est donc un roman noir qui s'écrit à Grenoble. Pour répondre au plus vite aux ravisseurs, le 24 juin, en fin de journée, le commissaire Verne prend la place du maire de Chirolles et se rend au rendez-vous fixé par les ravisseurs. Caché à l'arrière de la voiture, le commissaire Kovarik serre son Colt 45 contre sa cuisse. Son collègue tient fermement son pistolet mitrailleur. À 20h, Verne s'installe à la terrasse du bar L'Escale et place le sac de sport bien en évidence. Un sac vide de toute façon. Pour transporter autant de billets de banque, il faudrait au moins un camion de 5 mètres cubes. Un quart d'heure plus tard, le téléphone sonne. Un policier active un magnétophone, le barman décroche. Je peux laisser un message à monsieur Kioulou, mais oui, faites. Dites-lui d'aller au glacier, place Notre-Dame. Place Notre-Dame ? Oui, qu'il trouvera les instructions dans les toilettes hommes, dans le soupirail de ventilation. D'accord. Merci. À votre service. L'interlocuteur ne prononce pas les R. Bah oui, c'est comme ça. Et ce sera peut-être un indice plus tard. Quoi qu'il en soit, le commissaire Verne fonce. Il trouve une feuille blanche, identique à celle des demandes de rançon. Sur le papier, un plan et des indications menant à l'endroit où déposer la rançon. Verne et deux autres policiers reprennent la route. Un véritable jeu de piste les mène du sapé au clos de la porte, en passant par les chemins forestiers les plus tortueux. Les brigades rouges s'amusent. La nuit tombe, le commissaire décide d'arrêter. Il n'y voit plus rien. Le lendemain, à la première heure, les policiers se rendent au pied du Grand Somme, où un dernier message les attend. Suivez les bouts de Chatterton. Nota, vous êtes presque au bout de vos peines. Arrivés, ils ne trouvent pourtant rien d'autre qu'une grange. Exaspérés, les policiers laissent un mot demandant aux ravisseurs de reprendre contact avec Georges Kioulou, le maire des Chirolles, et ils repartent. Une semaine passe. Placé sous surveillance, le cabanon n'a reçu aucune visite. Le 30 juin, les ravisseurs se manifestent. Ils soupçonnent les policiers de ne pas les prendre au sérieux. Ils veulent une preuve ? Très bien. Les malfaiteurs leur indiquent où se trouve la voiture de Christian le Roi et réclament désormais 400 millions de francs sous peine d'exécuter le jeune couple. Les policiers se rendent donc sur la rue des Séglières à Champs-Rousses. Et la voiture est là. Porte ouverte, l'autoradio encore allumée. Il s'agit donc bien d'un enlèvement et pas d'une escapade amoureuse. Alors, l'angoisse monte d'un cran. À Grenoble, troisième enlèvement. Brigade rouge politique si l'on en croit les messages téléphoniques. Dangereux, déséquilibré si l'on entend les policiers grenoblois. Il n'en est pas moins vrai qu'une femme de 21 ans, Olga Moïsenko, a été enlevée dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sous les yeux de son fiancé qu'elle a été contrainte de ligoter. Un mois plus tard, au soir du 24 juillet, Marc et Olga vont faire un tour au mûrier. C'est le parc idéal pour profiter de la fraîcheur du soir. Il surplombe Saint-Martin d'Air et offre un panorama magnifique sur Grenoble. Les amoureux se laissent bercer par la musique de l'autoradio. Tout va bien. Mais soudain, la porte s'ouvre, brusquement, et un homme cagoulé braque une arme sur la tempe d'Olga. Marc est terrorisé. Il supplie l'homme de ne pas tirer. « Toi, attache le volant. » Olga s'exécute en pleurant. « Serre plus fort !» L'agresseur vérifie les nœuds et se sauve dans la nuit avec Olga. La scène a duré moins de 4 minutes. Après 2 heures de contorsion, Marc parvient à se libérer de ses liens et fonce à la police. Il était calme et il n'était pas violent. Vous avez été le seul à le voir. Vous êtes le seul à pouvoir donner un signalement. Je peux donner un signalement. S'il m'a laissé, c'est qu'il savait bien que je pourrais pas donner un signalement. Sans ça, il m'aurait pas laissé comme témoin. C'était un jeune, enfin, moi je lui donne entre 20 et 25 ans. Pensez à son père, à sa mère, si vous avez un peu de cœur, rendez-la nous vivante. À ce stade de l'affaire, 3 personnes sont retenues en otage. Le couple illégitime donc, Muriel Trabelsi et Christian Leroy, et maintenant, Olga Moïtsenko, une jeune attachée commerciale. Son rapt est revendiqué le soir même par un coup de fil au Dauphiné libéré. Le ravisseur laisse 48 heures aux policiers pour satisfaire ses revendications. Si plus personne ne croit à l'existence d'un complot révolutionnaire organisé par les Brigades Rouges, nul ne doute plus en revanche du danger couru par les 3 otages, d'autant que l'enquête piétine. Aucun indice exploitable, pas même une empreinte sur les lettres. Pourtant, les policiers, plus d'une centaine, travaillent sur cette affaire jour et nuit. Du renfort arrive même de Lyon. Certains enquêteurs annulent leurs vacances. En un mois et demi, ils ont passé la région peigne fin, entendu des centaines de témoins, interrogé une demi-douzaine de suspects, analysé le moindre indice, mis à nu le passé de chacune des victimes, de leurs parents, de leurs relations, rien. Le campus de Grenoble, vide en été, a même été fouillé de fond en comble, toujours rien. Certains policiers jouent les couples à pas, se promenant main dans la main des heures durant au parc des Mûriers. Encore rien, rien de rien, personne ne se manifeste. Ravagé par l'inquiétude, le père d'Olga veut agir. Le 5 août, il lance un appel au ravisseur. Autour de la Grenoble, je me battais pour la liberté des Français, quand vous encore n'existez pas. En ce moment, avec une arme à la main, vous menacez la vie de ma fille Olga. Je vous demandais, avant de prendre une décision, de bien réfléchir. Je vous demandais, à mon nom, de ma famille et sur le plan humain, de lui faire aucun mal. Et je vous demandais encore une fois de accepter que Olga nous écrire quelques mots de sa main, nous assurer qu'elle est toujours en vie. Les bruits les plus fous circulent à Grenoble. Un soir, une femme signale la disparition de son mari, affirmant qu'on lui a réclamé une rançon de 500 000 francs. Le commissariat déclenche immédiatement le dispositif d'alerte. Mais une heure plus tard, le mari furieux se présente à l'hôtel de police. Il s'était simplement attardé avec quelques amis. Bah que voulez-vous? Cette ville devient folle, on ne peut plus même boire un verre. La demande de rançon, monsieur? Ah, ma femme s'est assoupie quelques instants. Et forcément, avec l'ambiance qui règne en ce moment, elle a fantasmé, explique le mari. Les seuls à se frotter les mains, finalement, dans toute cette affaire, ce sont les armuriers de la région. Leur chiffre d'affaires a triplé en quelques semaines. Toutes les armes de défense y passent. Bombes lacrymogènes, pistolets d'alarme et même des plus offensives comme les carabines 22 longs rifles. Au 17 août, ça fait maintenant 58 jours que l'homme qui se revendique des Brigades Rouges reste introuvable. 58 jours de mutisme, 2 mois que les Grenoblois craignent à chaque instant d'être enlevés. Un des enquêteurs, épuisé, finit par dire... Je ne sais si cet homme est vraiment fou, mais je peux vous dire que s'il continue à nous balader comme ça, c'est nous qui finirons à l'asile. » Le commissaire principal, Serge Rochefort, chef de la Sûreté grenobloise, ne voit qu'une explication à cette attitude. Le preneur d'otages veut faire durer le plaisir. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and a diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth, and live on the desert, got it, every belief. Calling the law, I'm fixing the draw, allow me to what isn't seen to call up a brawl. Calling them now, cause it's about to go pow. I'm standing on a stretch on the ups and the downs. Call up a truce, because I'm about to break loose. We're taking it, cause then I'm breaking. Les enquêteurs sont à bout de souffle, une nouvelle lettre violente arrive sur le bureau du Dauphiné libéré. Nous n'enlèverons plus personne puisque tout le monde s'en moque. Nous préparons un beau feu d'artifice pour les jours à venir, 50 cadavres au minimum. Dans une seconde lettre, destinée au directeur du journal Le Meilleur, il affirme « Olga est encore en vie, bien que très déprimée. Pour qu'elle soit libérée, il faudra me verser 750 000 francs. » Quelques jours plus tard, autre lettre. Je vais enlever un enfant. J'avais incendié le Dauphiné libéré et la mairie. Tous les Français devront verser 20 francs au Dauphiné pour la rançon d'Olga avant le 15 octobre et par l'intermédiaire du maire d'Échirol. Une partie en dollars, une en Deutschmark, l'autre en francs suisses. Sinon, nous tuerons Olga immédiatement. Au matin du 1er octobre, alors qu'à la PJ de Lyon, le commissaire Verne entame sa tournée de travail, le téléphone sonne. Une voix d'homme, soi-disant ami du groupe 666 des Brigades Rouges, lui donne des indications pour un nouveau rendez-vous. Allez directement au Café d'Escale à Hasard-les-Bains. Vous aurez des instructions pour trouver les preuves que c'est sérieux. Branle-bas de combat au commissariat. C'est dans ces fourrés près du hameau des Séglières à Saint-Martin-d'Uriage, entre Champs-Rousse et Grenoble, ont été retrouvés les restes des corps de Christian Leroy et de Muriel Trabelsi, les deux jeunes grenoblois enlevés le 19 juin dernier par les soi-disant Brigades Rouges. Une alliance et un pendentif ont permis l'identification rapide des deux cadavres qui avaient été placés tête bêche, mains et jambes ligotées. On ne sait pas encore comment, en effet, les deux jeunes gens ont été tués, ni depuis quand. Seule l'autopsie qui devait être effectuée dans la soirée permettra d'apporter cette réponse qui pourrait bien orienter d'une manière plus précise les recherches. Depuis ce matin, les policiers qui n'ont négligé aucune hypothèse possèdent un tout petit élément de plus. Il y a bien plusieurs personnes concernées par ce double assassinat. Le coup de téléphone anonyme de ce matin pouvant être pour les meurtriers l'ultime preuve apportée qu'on doit prendre au sérieux leurs menaces et leurs exigences. Ce soir, une question reste posée. Qui sont le ou les assassins de Christian et de Muriel ? Quel qu'il soit, le ravisseur entre dans la galerie des monstres par la grande porte. Le meurtre, à l'image aussi du chiffre démoniaque qu'il revendique comme une identité, 666. Jusqu'à présent, on voyait en lui un méchant farceur, au pire un fou, mais là... D'après les premières constatations, Muriel et Christian ont été assommés à l'aide d'un instrument contondant quelques instants seulement après avoir été capturés. Christian Leroy était torse nu, la chemise et le blouson posés à ses côtés. Pour les députés maires des Chirols, Georges Kioulou, dont la vie est menacée depuis le début, c'en est trop. Il faut que cette tragédie cesse. Alors, il en appelle directement au ministère de l'Intérieur. Michel Poniatowski, qui suit l'affaire depuis quelque temps, lui répond favorablement. Cette enquête est en train de devenir l'enquête qui aura coûté le plus cher aux contribuables depuis la dernière guerre. Alors, sur commission rogatoire du juge d'instruction, les policiers abattent leur dernière carte. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous allez entendre un document, l'enregistrement de la voix du criminel qui se cache derrière le sigle des Brigades Rouges. Le juge d'instruction a requis la station régionale de FR3 Grenoble pour diffuser cet enregistrement. C'est la première fois que ça se fait et Antenne 2 n'est pas soumise à la même obligation. Si nous le faisons, c'est qu'un fou criminel affole une ville depuis 4 mois, qu'il a déjà tué 2 jeunes gens et que le délai qu'il avait fixé pour donner des nouvelles d'une 3e personne enlevée est écoulé depuis 4 jours. Voilà donc cet enregistrement destiné à permettre de mettre un nom et un visage sur cet homme, un enregistrement qui, je vous le rappelle, date de quelques mois avant la découverte des 2 premiers meurtres. Allô ? Je lui fais un message. Oui, oui, allez-y. Tu te rends au glacier Place Notre-Dame ? Place Notre-Dame. Oui, qui trouvera les instructions dans les toilettes. Homme. Voilà. Qui trouvera les instructions dans les toilettes. Homme. D'accord. Dans le soupirail de ventilation. Air. D'accord. D'accord, merci. Bon service. Vous trouverez alors, monsieur Leroy et mademoiselle Muriel, entre le col de Porte et le col du Coq. C'est ça. Sur une route secondaire. Tendant. D'accord. Tendant. Donnez-nous la... À partir de demain matin, entre 6h, regardez. Cette opération qui fait polémique est une grande première en France. D'un point de vue éthique et moral, le syndicat de la magistrature en particulier regrette le recours à cette méthode, signalant que la délation de masse est une escalade entretenant le climat d'insécurité. Cela dit, elle a déjà donné des résultats positifs, en Allemagne fédérale notamment. En tout cas, 3 heures à peine après la diffusion de la voix du meurtrier, une centaine de coups de fil arrivent. Et parmi eux, la première piste valable depuis 4 mois. Hier soir, on est allé écouter la télé comme tout le monde avec mon mari. Et on a reconnu la voix de mon frère. Mon mari a sorti un livre qui appartenait à mon frère. Et on a reconnu l'écriture. C'est mon mari qui est allé dénoncer mon frère. Personne n'a téléphoné, ni mes parents, ni ma soeur, ni moi. C'est mon mari qui s'est rendu à la police. Mais mon mari, comme il est fonctionnaire de police, ils n'ont pas voulu que ça soit dit. Mais vous êtes formel, c'est la voix de votre frère. Oui, moi j'ai reconnu la voix de mon frère. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'un tel acte ? J'ai reconnu sa voix, mais être capable d'un tel acte, non, je crois pas. Grenoble est sous le choc. L'individu s'appelle Joël Matensio, c'est un gars du pays. Pas vraiment le profil du tueur, non, encore moins celui d'un terroriste. Mais à Grenoble, son beau-frère, son père et ses 2 sœurs et son ex-femme affirment que c'est bien sa voix qu'on entend. Des dénonciations confirmées par un ancien ami et un médecin de famille. La piste est plus que crédible, les policiers se mettent à la recherche de l'homme. Se sentant menacé, jugeant sans doute que le filet se resserre, Matensio a quitté la région depuis 15 jours. Il s'est réfugié chez sa belle-mère, en région parisienne. La police finit par le localiser au 50 rue Carnot, à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Matensio prétend avoir trouvé un emploi de garçon de café en attendant mieux. « Jamais il ne nous a paru bizarre », déclare sa belle-sœur, même lorsqu'à la télé ou à la radio on évoquait l'affaire des Brigades Rouges. Les policiers parisiens de l'office de répression de grand banditisme décident de l'interpeller hors du domicile. Il se trouve que le suspect a rendez-vous le lendemain dans une agence pour l'emploi, boulevard Voltaire, à Paris. Il est 8h15 quand les policiers poussent la porte de l'agence. Joël Matensio est là. Il attend son tour en lisant le journal. Et il est appréhendé sans difficulté. En l'embarquant, les policiers récupèrent le journal. L'homme était en train de lire un article sur les Brigades Rouges. À 10h du matin. Ce mercredi 20 octobre 1976, Joël Matensio, le suspect numéro 1 dans l'affaire des Brigades Rouges, groupe 666, est placé en garde à vue. Le substitut du procureur informe la presse. Il a été inculpé dans la première affaire concernant la disparition du sieur Leroy Christian et de la dame Trabelsi, des chefs de séquestration et homicide volontaire. Dans la deuxième affaire, relative à la disparition de Moissenko Olga, dont on ignore toujours si elle est en vie ou si elle a subi le sort des deux premières victimes, il a été inculpé du chef de séquestration en ce qui la concerne et de violence avec arme sur la personne de son fiancé Chavo Marc. Grenoble respire. Même si l'instruction ne fait que commencer, le sentiment de soulagement est largement partagé et les autorités tiennent un suspect. Tiens, parlons-en du suspect. Il est du genre banal, le suspect. Taille moyenne, corpulence moyenne, moustache, cheveux courts. À 28 ans, Joël Matensio n'est pas un inconnu des services de police. Il a même ce qu'il est convenu d'appeler un pédigré. Tout commence à l'adolescence. Fasciné par un feuilleton télé Belphégor, il se met alors dans la peau du personnage et tire à la carabine dans les rues de Grenoble. À partir de là, c'est la dégringolade. Il enchaîne les vols, les délits, suit l'itinéraire de la délinquance classique. Plus tard, il s'installe avec une prostituée dont il aura une fille, Emmanuelle. Sa liaison lui vaut une condamnation pour proxénétisme en 1973. À sa sortie, il traîne avec le milieu lyonnais et rencontre en 1974 un richissime hôtelier, Yves Marin Laflèche, qui l'emploie comme barman et devient son compagnon. Mais à l'été 1974, la vie de Joël Matensio bascule dans la criminalité. Le PDG lyonnais, Yves Marin Laflèche, disparaît. Son corps est retrouvé en novembre dans les bois de Mont-du-Beaujolais. Matensio sera suspecté, mais libéré grâce à l'habile défense de maître Johannes Ambre, le ténor du barreau lyonnais. Après cette séquence lyonnaise, Matensio rentre à Grenoble. Employé dans une station-service, il met volontairement le feu à l'établissement pour récupérer la caisse, 2000 francs. Ce qui lui vaut de retourner 4 mois en prison. C'est donc aujourd'hui que s'ouvre devant les assises de l'Isère à Grenoble le procès de Joël Matensio, accusé de 3 meurtres. Les audiences risquent d'être animées puisque Matensio nie farouchement. Il reconnaît certes qu'il a revendiqué par lettre ou par téléphone les 3 assassinats, mais il ajoute qu'il agissait sous la contrainte des Brigades Rouges italiennes. Joël Matensio nie et on ne voit pas très bien, hors la cupidité, le mobile de tel crime. Mais les charges sont accablantes. Cela va de sa machine à écrire, qui est bien celle qui a servi à taper les enveloppes, en passant par des analyses graphologiques, des cheveux qui seraient ceux de Matensio retrouvés dans la main des victimes, et l'analyse de sa voix, des charges extrêmement lourdes, et l'on peut s'attendre à une belle bataille d'experts. Mais encore, un inculpé peu facile et qui nie, ce ne sera pas un procès facile, et Grenoble n'a pas oublié le vent de panique de l'été 76. Le vendredi 23 octobre 1981 s'ouvre le procès de Joël Matensio, 5 ans après son inculpation. 5 ans pendant lesquels les enquêteurs ont rassemblé un faisceau de faits avérés, mais peu de preuves concrètes. 5 ans d'enquête, de recoupement, de constitution de dossiers, de reconstitution. 5 ans pendant lesquels le prévenu a été entendu dans d'autres affaires que celles des Brigades Rouges, parfois condamné, parfois relaxé, mais jamais innocenté. 5 ans pendant lesquels son avocat, maître Johannes Ambre, le même que celui de l'affaire Marin Lafèche, a bien failli réussir à stopper la procédure pour vice de forme. Car le père de la troisième victime, Olga Wysenko, a été en contact direct avec l'accusé. 5 ans où les tentatives de suicide de Matensio ont succédé aux tentatives de fuite face à la violence de ses co-détenus. 5 ans pendant lesquels Joël Matensio ne dira rien. C'est donc dans une ambiance électrique, au son des « laissez-le-nous, on va s'en occuper » criés par la foule, que débutent les débats autour de Joël Matensio, le soi-disant membre du soi-disant groupe 666 des Brigades Rouges. À son arrivée dans le box des assises du tribunal de Grenoble, tous les acteurs sont déjà en place. 12 jurés, 5 femmes, 7 hommes. Le juge Robert Fabre et l'avocat général Pierre Truche ont distribué un dossier comprenant des plans, un calendrier de l'année 76, l'organigramme des audiences, le découpage des témoignages, l'installation des nombreux participants, partie civile, presse, invités, public, bref, une justice en grande pompe, une organisation au cordeau pour éviter le moindre écueil. Aux alentours de 10h, l'accusé entre dans l'arène. À 33 ans et après 5 ans de prison, Matensio semble s'être endurci. Il avance comme un torillon soudainement lâché en liberté. Pour lui, cette cour d'assises est plus qu'une menace. C'est la certitude de passer une bonne vingtaine d'années derrière les barreaux. D'entrée de jeu, la lecture de l'acte d'accusation retrace les faits qui ont tétanisé Grenoble, puis la France entière entre juillet et octobre 76. Après 4 heures d'exposé lu par le président Robert Fabre et étayé par la présentation de certaines pièces à conviction, il conclut « Après votre interpellation, monsieur Matensio, toutes les manifestations des Brigades Rouges se sont interrompues. Silence dans la salle. L'interrogatoire peut commencer. » Pendant 3 jours, victimes, avocats, experts, médecins légistes vont se succéder à la barre, chacun jouant sa partition. Matensio, lui, n'offre qu'une seule note. Non, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Même quand il évoque les Brigades Rouges, c'est pour dire qu'il était obligé de leur obéir. Mais oui, il menaçait de s'en prendre à ma famille, dit-il. L'accusé s'enferre dans les mensonges. Sa voix est frêle, peu empreinte de conviction, même quand il nie. Monsieur Matensio, vous avez reconnu la voix de votre fils au moment de l'enregistrement? Oui. Vous êtes bien sûr? J'en suis certain. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Un gros chagrin. Vous pensez que l'homme des Brigades Rouges, c'est votre fils? Je peux pas vous dire que c'est mon fils. Je peux pas vous dire parce que c'était un enfant qui était... Il se laissait trop mener, vous voyez. Vraiment trop mener. Vous le croyez capable de tuer 3 personnes? Je ne crois pas. Alors là, je ne crois pas. Pas du tout. Je le sens innocent. Après le témoignage du père, maître Johannes Ambre ne cesse de le dire. Son client n'est pas à la hauteur du rôle qu'on cherche à lui faire endosser. Il n'a pas l'épaisseur du costume de Brigadier Rouge. Cet homme frêle, à la voix pincée, n'a décidément pas les épaules. Un mauvais garçon peut-être, un militant non eux, encore moins un assassin. Face aux dénégations de l'accusé, face à la multitude de présomptions mais au manque d'indices, les avocats des parties civiles et l'avocat général décident d'adopter une autre stratégie. Puisque le factuel ne fonctionne pas, il faut actionner un autre levier, l'émotionnel. Et il n'y a plus le choix, les audiences tournent en rond autour de ce nom. Après l'avocat général, maître Rossetti, qui s'est attaché à montrer que la nature perverse et solitaire de l'accusé faisait de celui-ci un être capable d'avoir commis ses crimes, ce sont les avocats de la partie civile qui vont donner le ton. Ainsi, Paul Lombard s'adresse directement à l'accusé. « Dites donc, Matensio, la petite Muriel que pleure sa maman, ça ne vous dit rien ? Vous vivrez, Matensio, c'est tant mieux, mais vous ne mériterez pas le pardon des hommes avant d'avoir fait preuve au moins d'humanité. » Transition toute trouvée pour maître Joanneau, avocat des parents d'Olga, qui ignore encore où se trouve le corps de leur fille. À la fin de sa plaidoirie, l'avocat lance un ultime appel à l'accusé. Les restes de leur fille sont pour eux des reliques sacrées auxquelles ils veulent donner une sépulture. Ce serait pour eux un tel apaisement. Vous avez permis de retrouver Muriel et Christian, alors pourquoi pas nous, je vous le demande, au nom de la solidarité. Dans un moment d'intense émotion, Joël Matensio se lève alors en pleurant et déclare « Maître Joanneau et Maître Lombard ont raison, il faudrait qu'on me conduise sur place. » Un silence pesant tombe sur la salle Matensio essuie une larme, puis toujours avec la même voix rauque répète « Il faudrait que mon conduit sur place. » Le petit chemin, l'ancienne route d'Uriage, est situé à la base d'un plateau escarpé sur lequel Matensio a surpris Olga Moïsenko et son fiancé. Alors, le président a réuni la cour d'assises dans un quart de gendarme et l'audience a repris, tout le monde aligné comme pour une excursion. Là, dans ce quart, Matensio a dit « Oui, oui, j'ai tué Olga, mais je ne sais plus où est son corps. Ce n'est pas moi qui l'ai enseveli. » Qui alors ? Eh bien, les brigades rouges. Ainsi, Matensio est revenu à sa première version. L'homme, à ce moment-là, est apparu hésitant, puis suicidaire, puis muet. Tout cela n'a servi à rien. À midi, les pompiers ont commencé à creuser à cet endroit qui apparaît bizarrement proche de la route pour y dissimuler un cadavre. Ce petit chemin est, chaque jour, le rendez-vous d'amoureux. À 13h, les jurés sont allés déjeuner. Les pompiers, eux, ont continué à creuser. À 15h, on a recommencé. Les jurés ont regardé ce grand trou vide, Matensio aussi. Le 29 octobre 1980, toute la cour d'assises de l'Isère se transporte donc dans la banlieue grenobloise pour tenter de retrouver les restes d'Olga Moïsenko. Un cortège de voitures de police, de fourgons, de camionnettes et autres motos de journalistes s'étire en direction d'Uriage, là où Matensio a affirmé avoir enterré le corps d'Olga. Sous la pluie battante, tous suivent les indications de l'accusé. Une fois en haut de la butte, une autre fois sous les forêts, près du point d'eau. Ah non, à côté de la route, à 20 mètres plus bas. Alors les forces de l'ordre creusent, ratissent, fouillent, rien. Joël Matensio semble ne plus reconnaître les lieux et dans le même temps, les journalistes le sentent à l'aise, oui, presque heureux d'être enfin au centre de toutes les attentions. Oui, satisfait de mener encore le bal. En fin d'après-midi, le juge Robert Favre est exaspéré. Il ordonne l'arrêt des fouilles et suspend l'audience. Retour à Grenoble, dans le prétoire, sans le corps d'Olga. Le lendemain, le procès reprend son cours. L'accusé apparaît sans logique, sans voix, sans mémoire. Au 8e jour d'audience, Joël Matensio est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est le premier condamné pour meurtre à bénéficier de l'abolition de la peine de mort. Il faut aller voir la mère, cette phrase hante Ivan Moïsenko, le père d'Olga. Au regard de sa douleur de père, l'homme se souvient que le seul moment où le meurtrier a flanché, c'est lorsqu'il a été dépeint comme un monstre devant sa mère. Si elle lui demande la vérité, il devrait la lui dire. Il faut aller voir la mère. Alors, fin décembre, Ivan Moïsenko et sa femme se rendent à la caisse du supermarché où travaille la mère du meurtrier. Ivan l'interpelle. Votre fils a avoué. Il a reconnu avoir tué Olga. Alors qu'il se rachète un peu en indiquant ce qu'il a fait du corps de notre fille. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne faites rien, ça vous portera malheur. Mais la femme reste de marbre. Les parents d'Olga repartent désespérés. Pourtant, la démarche va s'avérer efficace. Si la mère n'a pas eu le courage d'inciter son fils à cet ultime aveu, elle a demandé à sa propre mère d'intervenir. Oui, parce que Joël adore sa grand-mère. Et quand elle lui envoie ses mots, « Allez petit, dis aux parents où est le corps de leur fille. » Eh bien, Joël le dit. Le 5 janvier 1982, sous un froid hivernal et un ciel sombre, le corps d'Olga est découvert dans un petit bois de Gières, à 20 mètres de l'endroit où Matensio avait emmené toute la cour de justice 3 mois plus tôt. Matensio, faux terroriste, vrai tueur. Under blue moon, I saw you so soon. You'll take me up in your arms, too late to beg you. Oh, cancer, though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Him. in scarlet nights I saw you. So cruelly you kissed me. Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Fate, up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him, to him. Up against your will, through the thick and thin, you will wait until you give yourself, you give yourself to him. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Matensio. Notre invitée, Sophie Baron-Laforêt. Bonjour. Oui, bonjour. Vous intervenez de Perpignan. Vous êtes psychiatre, praticien, peut dire praticienne d'ailleurs maintenant avec la féminisation des noms. Praticienne hospitalière, récemment retraitée, présidente de l'Association française de criminologie. Alors, vous avez été responsable du centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles en Île-de-France. Et vous avez participé entre 1990 et 2000 à l'ouverture et à la mise en place de l'unité psychiatrique d'hospitalisation au SMPR de Fresnes avec une unité spécifique pour les auteurs de violences sexuelles, mais aussi pour les longues peines en préparation de sortie. Je dis tout cela d'abord parce que c'est votre œuvre et votre parcours et c'est également votre expertise pour nous parler pendant un peu plus de 10 minutes de ce Joël Matensio et de son profil psychologique. Alors, jusqu'à l'adolescence, c'est un enfant plutôt tranquille apparemment, élève dans une institution religieuse à la mûre. Il se fait tout de même remarquer par un mysticisme exacerbé et légèrement turbulent. Qui est-il cet homme? C'est toute la question que se posent à l'époque les enquêteurs. Qui est-il pour vous et à partir de son enfance? Ah, qui est-il? Oui. Ah, c'est difficile de répondre, oui. Je ne sais pas qui il est. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un parcours. Moi, ce qui m'intéresse en criminologie, c'est comment se construit ce parcours et comment finalement de petites délinquances, de passages en prison, et puis finalement d'actes qui sont plutôt, si j'ai bien compris, des vols et des crimes, des délits sur des objets et pas sur des personnes. Il en vient aux personnes. Hein. Et il y a quelque chose qui me marque, c'est l'incendie, hein, le feu à la station-service. Oui. Là, on sent pour moi qu'il y a un passage, hein, sans doute quelque chose qui était peut-être un peu plus banalisé, entre guillemets. Hein. Les incendiaires, ça l'est moins aujourd'hui avec les feux de forêt, mais de façon adéquate. Et puis, on en arrive hein, dans ce parcours hein, au fait de séquestrer, tuer. Bah, c'est vrai que les questions que ça pose, c'est jusqu'où c'est construit, jusqu'où c'est de l'opportunisme, comment ça se passe, quels sont les facteurs qui interviennent. Alors, justement, pour les experts psychiatres qui sont contactés à l'époque par les policiers, il semble que le ressort principal de Matensio soit, je cite, un immense besoin de publicité, une volonté obsessionnelle de puissance, qu'on pourrait appeler aussi le besoin de reconnaissance, qui est une grande pathologie sociale, hein, c'est souvent le cas. Heureusement, ça n'aboutit pas souvent à c'est une histoire comme celle qu'on vient de raconter. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a de ça, ce besoin de reconnaissance qui est aussi un besoin de puissance? Ah, c'est clair qu'on peut. Alors, on peut s'interroger hein, s'il y a eu des moments d'humiliation, de non reconnaissance, de vécu hein, d'échec ou qui l'a rencontré en prison. Hein, mais c'est clair que cette façon de solliciter les médias, hein, il les sollicite, il les resollicite. On évoque à un moment donné comment finalement, quand il emmène, bien sûr, c'est la décision hein, du président de la cour d'assises, d'aller sur les lieux pour de nouveau essayer de trouver ce corps qu'on ne trouve pas. Et les journalistes notent hein, qu'il est assez satisfait. On voit bien qu'il y a là une composante d'exister. Alors, la composante narcissique, hein, qu'on évoque très souvent aujourd'hui, qui est très, très banalisée. Hein, mais on sent bien qu'il y a cette composante-là. Et puis, ce besoin de contrôle, c'est-à-dire quelque part, avec ces lettres de menace qu'il envoie, puis il oublie d'envoyer, il reprend le contrôle par moment. À la fois, bon, ça existe. C'est qu'est-ce qui fait qu'il le lâche aussi ? Parce que si j'ai bien suivi, entre juin, juillet, et puis ensuite, il y a tout un mois où on n'entend plus parler de lui. Oui, il y a cette... Et puis, oui. Il renvoie. Il y a des moments où ça s'arrête. Ah, c'est quoi cette intermittence ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, et qu'est-ce que ça veut dire, cette intermittence ? Ah ben, sans doute qu'il y a des facteurs là. Voilà, on n'a pas là... On a beaucoup d'éléments de l'histoire qui sont racontés du point de vue des victimes, bien sûr, parce que tous ces faits-là n'existent que parce que les victimes, parce que la société en parle. Hein. Mais lui, on n'a pas son discours à lui. Et au fond, ce qui m'intéresserait, c'est au fond, qu'est-ce qui fait que de tout d'un coup, ça reprend ? Ou alors, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est finalement, il s'en prend à deux couples. Le premier, c'est un couple dans une voiture. Le deuxième, c'est un couple. Et bon, il dissocie le couple, certes. Mais qu'est-ce qu'il vient attaquer là ? Est-ce que ça a un sens ? Évidemment, les psychiatres vont chercher un sens là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il vient attaquer de sa propre histoire ? Qu'est-ce qu'il fait bouger ? Jusqu'où c'est complètement construit ? Il donne l'impression parfois de s'être fait prendre au piège de ce qu'il a amorcé et de ne pas avoir suffisamment construit hein, et de ne pas avoir suffisamment de base derrière pour gérer ça jusqu'au bout. Et il est rattrapé par son besoin d'exister. Et il est pris par ça. Bien sûr, il y a aussi une certaine immaturité qui se manifeste quand il nie devant la justice. Parce qu'il sait bien que l'étau s'est resserré, qu'il y a des preuves. Ah, il est coincé, quoi. Et il nie. Est-ce que c'est une preuve d'immaturité, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est de l'immaturité. À la fois, il nie devant la justice. Il a fait quelques passages en prison auparavant. Et il sait très bien que tant qu'il a... Enfin, je pense, il sait, je n'en sais rien. Mais on peut imaginer qu'il sait que si tant qu'il ne reconnaît pas, évidemment, il y a un flou, il y a quelque chose qui peut être récupéré, comme oui, ça l'a oui. été. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Éventuellement, par son avocat. Et c'est vrai que... La justice a besoin de preuves, hein, bien sûr. Et on voit bien tout le travail des enquêteurs pour avoir des preuves. Et donc, il nie. Immaturité, il est face à... D'ailleurs, on peut se demander s'il ne reprend pas le pouvoir là, en emmenant la cour d'assises en déplacement au moment où, justement, il se prend tout ce qui le dévalorise, tout ce qui lui fait perdre sa position de pouvoir et il récupère le pouvoir. Oui, sauf qu'il sait très bien qu'il ne va pas trouver le corps. Oui, mais ça, il sait très bien. Ça, c'est vous savez oui, très bien. Pardon. Mais je c'est pense vrai. Que lui, j'étais lui pas, j'ai raison. Je n'en sais rien, mais je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils n'anticipent pas ça. L'important, c'est qu'ils se vivent extrêmement dévalorisés, hein, méprisés, ils perdent la place sociale. C'est difficile d'entendre son père dire « mais non, je ne le crois pas » et d'avoir à décevoir comme ça. D'ailleurs, le père d'Olga, il l'entend bien, hein, il a vu que c'est uniquement face à sa mère. Hein. Il a repéré les moments de vulnérabilité de cet homme. Et donc, il perd, et donc il récupère le pouvoir. Mmh. Il perd le pouvoir. Qu'est-ce qui a déclenché les passages à l'acte ? Est-ce que c'était des refus de... voilà. D'argent, de prêt d'argent, de ne pas réussir à faire un autre petit coup. Et finalement, il s'embarque dans quelque chose qui le dépasse. C'est manifeste. Sophie Baron-Laforêt, on va passer, si vous voulez bien, par l'audiophonie et la graphologie. L'étude de l'écriture de Matensio révèle une tension extrême chez son auteur et une capacité de concentration intermittente, nous disent, et on va les entendre, successivement le docteur Fugain, audiophoniste, et le docteur Brézard, graphologue. Alors docteur, homme ou femme ? Je dirais homme. Quel âge ? Subjectivement, assez jeune. Je crois qu'il est effectivement du Dauphiné ou de la Savoie. Il a une mélodie assez traînante, et en particulier, il fait disparaître, par exemple, il a dit à un moment, Notre-Dame, au lieu de Notre-Dame, et ça, c'est assez grenoblois. Eh bien, cette écriture est extrêmement rigide, très aiguë dans un certain nombre de ses lettres, et elle présente un très grand nombre d'écrasements. Et au travers de ses caractéristiques essentielles, on peut dire qu'il s'agit là de quelqu'un qui est... enfermé sur soi-même, qui a une obstination têtue, quasiment obsessionnelle, qui est tout à fait imperméable au raisonnement d'autrui, chez qui il y a une très grande tension nerveuse, qui se caractérise par des bouffées et des décharges agressives, et on remarque aussi chez lui une alternance de dépression et d'excitation, tournant en rond sur soi-même. Est-ce vraiment l'écriture d'un criminel, d'un homme décidé ? On ne peut pas dire ce qu'un homme a fait, mais il est certain que l'agressivité de cette écriture et l'absence de sensibilité peuvent permettre de penser que c'en est un. Sophie Baron, La Forêt, bien sûr qu'il faut être imprudent par rapport à la graphologie, c'est quand même très controversé cette affaire-là. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez entendu de la part des deux spécialistes là ? Oui, bon, d'abord dans l'intonation de la voix, ça me semble assez juste. Je pense qu'effectivement, on peut tout à fait reconnaître des accents, des façons de parler. Après, dans la graphologie, c'est, oui, la tension, on la reconnaît, la diffusion. Bon, on voit bien qu'il y a sans doute eu des carences dans l'apprentissage de l'écriture et que sans doute ça situe les écrits après le passage à l'acte. Est-ce que c'était... Alors, c'est vrai que sa sœur reconnaissait, c'est ça, la même écriture que celle qu'il avait auparavant. Moi, je m'interroge parce que finalement, oui. En prison, on communique beaucoup par écrit. Et des écritures, c'est vrai qu'elles sont très parlantes. On entend bien toute la carence derrière, à mon avis. Les sociologues ont des théories plus larges. Pour eux, il s'agit, dans le cas de Matensio, il s'agit d'un de ces désaccès comme en sécrètent toutes les sociétés modernes. Un homme arraché à ses montagnes et certainement plongé dans l'univers bétonné des nouvelles cités. Ce serait une explication. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'est sûr que dans les théories, la criminologie, les théories des sociologues sont très importantes. Alors, déraciner, je ne sais pas trop, là, je ne suis pas sûre que je mettrai l'accent aujourd'hui là-dessus, mais il faut le revoir dans le contexte de l'époque. Alors, peut-être c'était plus important à l'époque le fait de ne pas de s'être déplacé. Par contre, on voit bien que là, il y a quelque chose entre est-ce qu'il a eu sociologiquement quelque chose de l'opportunité ou alors de quelque chose qui présentait de façon tout à fait réaliste, irrationnel vis-à-vis de sa demande d'argent. La demande d'argent, c'est raconté. Finalement, la somme pouvait pas tenir dans un sac. La demande d'argent, elle est tout à fait décalée. Et comme si finalement, à la fois, il avait sans doute espéré besoin d'argent et à la fois il ne savait pas le compter, il savait pas comment finalement, il n'en connaissait pas la valeur et ce qu'il allait en faire. Et on est jusqu'où c'est quelque chose vraiment une délinquance d'intérêt. Est-ce que c'était construit pour avoir cet argent ou pour exister? Je pense que la question se pose. Oui, par contre, en sociologie. Oui. Alors bon, d'accord. Mais à partir de l'enlèvement, il passe quand même à un autre acte qui est celui du meurtre des trois. Ça c'est quand même autre chose. Alors. Tout à fait. Et l'argent là-dedans, qu'est-ce que vous en pensez ? L'argent disparaît là-dedans, à mon avis. Tout à fait. À la fois, moi, on se demande, enfin, en écoutant cela, mais on ne l'a pas entendu, finalement, et au procès, il n'a rien dit. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas eu de l'opportunité. Alors, il avait construit quand même quelque chose, puisque cette piste qu'il donne, quand même, il y a eu une construction, à mon avis, préalable, pour poser et donner de faire comme ça courir les enquêteurs. Mais au fond, passer au meurtre, je me demande s'il n'a pas anticipé, il ne savait plus quoi faire des victimes. Simplement. Et à mon avis, c'est atroce que je vais dire, mais à partir du moment où pour lui, de toute façon, c'était quelque part des objets pour le faire exister pour cet argent, il a été, j'ai l'impression comme ça dans ce récit, qu'il a été dépassé par le fait d'avoir à gérer des personnes. Et comme sans doute dans ces moments-là, l'autre n'existe pas, c'est-à-dire qu'il a très peu de sensibilité, d'émotion vis-à-vis de ces personnes-là, quelque part, il les fait disparaître. Mais je ne suis pas sûre qu'il l'ait anticipé, ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Sophie Baron La Forêt. Il me reste à vous remercier pour ces éclairages autour de cette affaire. Joël Matensio, merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Joël Matensio, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires, bien sûr. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui puisque nous sommes jeudi. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Constance Villanova, Stéphanie Fromentin, Guillaume Ballandras et Jean Bulot. attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien. Lecture Philippe Pierrard, Julien Large, Marianne Thierry, Damien Prévost, réalisation Hélène Biziot et Coyen Guyenne.